الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bon, j'ai commencé l'explication du verset des versets sur Qarun. قول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون était un membre du peuple de Moussa, puis fit preuve d'un orgueil insolent à leur égard. Puis, lors de l'explication, j'ai cité le hadith qui se trouve dans les deux Sahih, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, sur les trois personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange pour les mettre à l'épreuve, un lépreux, un teigneux et un aveugle. Et je continue ce hadith-là. L'ange a dit au lépreux, il lui a dit: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. Il dit: je te demande par celui qui t'a accordé une si belle couleur, une si jolie peau et toutes ses richesses de me donner un seul chameau pour que je puisse continuer mon voyage. Et l'homme, il répliqua, il a dit: j'ai beaucoup de charges. Et puis l'ange qui a revêtu la forme de quelqu'un qui est pauvre et qui est teigneux pour rappeler à cet homme-là son passé, l'ange a dit: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله. L'ange lui dit: il me semble te connaître. N'étais-tu pas le lépreux pour qui les gens avaient de la répulsion? N'étais-tu pas pauvre et qu'Allah t'a pourvu de toutes ses richesses? Il lui a rappelé qu'Allah lui a accordé une belle couleur, une peau saine. Il l'a enrichi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Il a fait un autre mensonge. Il a dit, le premier mensonge, c'est quoi? C'est al-huququ kathira. Il a dit, les droits dont je dois m'acquitter sont nombreux. Et le deuxième mensonge, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, innama warithu hadha al-mal kabiran an kabir. Il a dit, non. J'ai hérité ces richesses de mes nobles aïeux. Je l'ai hérité de père en fils. J'étais riche. Mon père était riche. Mon grand-père l'était aussi. Il a nié ses origines. Il a oublié ses origines, son passé, il ne veut plus en entendre parler. Beaucoup de ceux qui étaient pauvres et qui deviennent riches par la suite, ça y est, ils ne veulent plus rencontrer leurs anciennes fréquentations, ils veulent nier leur origine, certains vont jusqu'à changer de nom. On connaît des exemples comme ça, ils ont changé de nom pour qu'on ne leur rappelle pas leur passé. فَقَالَ الْمَلَكُ فَقَالَ إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Il a dit, si tu mens, qu'Allah te fasse revenir à ton premier état, c'est-à-dire pauvre et lépreux. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé l'imprécation de l'ange et l'homme redevint pauvre et lépreux. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا. Et l'ange, il a ensuite trouvé le deuxième sous l'aspect que celui-ci avait dans l'état où il était avant sa guérison, c'est-à-dire teigneux et pauvre. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. Il lui tint le même propos que le premier et il reçut la même réponse, le refus de l'aider. Et l'ange lui dit: si tu mens, qu'Allah te ramène à ton premier état. Il redevint alors pauvre et teigneux. L'ange se présenta ensuite, ou atal a'ma, le tour de l'aveugle, ou atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Il se présenta enfin devant le troisième homme, sous les traits qu'il avait et la situation dans laquelle il était, c'est-à-dire un pauvre et un aveugle. Faqala rajul miskin wa ibn sabil inqata'at bi al-hibal fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alayka basarak shatan أتبلغ بها في سفري. Il lui dit: je suis un homme pauvre et un voyageur complètement coupé de ses ressources. Je n'ai personne aujourd'hui qui puisse me faire parvenir à ma destination si ce n'est Allah, puis toi. Je te demande par celui qui t'a rendu la vue de me donner une brebis pour me permettre de poursuivre mon voyage. شاتا أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. L'homme il répondit: certes, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vie. La reconnaissance du bienfait d'Allah. Dans Hadith al-Bukhari, la version de Bukhari dit: j'étais pauvre et Allah m'a enrichi. Faqala: fakhudh ma shi'ta wad'a ma shi'ta fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtuhu lillah 'azza wa jalla. Il a dit: voilà, prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Par Allah, je ne te refuse rien et je le fais dans le seul but de plaire à Allah. Remarquez l'ikhlas, la sincérité, la pureté de l'intention. Faqala al-malak: amsik malak fa innama btulitum faqad radiyallahu anka wa sakhata ala sahibik. L'ange lui dit: garde ton billet car Allah vous a éprouvé, il t'a agréé et il s'est courroucé contre tes deux compagnons. Comme j'ai dit au début de ce dars, la dernière fois, j'ai dit: il faut recevoir la parole d'Allah avec tous tes sens. C'est comme si ces paroles s'adressaient à toi. La même chose concernant la sunna, le hadith, c'est la révélation, bien sûr. Hadith du prophète. Quand quelqu'un va lire ce hadith, il va penser que le prophète nous raconte cette histoire comme ça. Les lépreux chez les fils d'Israël, les communautés qui nous ont précédés, c'est comme si la chose ne le concernait pas. N'oubliez pas que le professeur Salam s'adresse à nous dans ce hadith-là. Il s'adresse à nous. Là, les trois hommes, Allah leur a envoyé un ange pour les mettre à l'épreuve. Mais sachez, chers frères, sachez bien une chose. C'est que chaque jour, Allah nous envoie des gens. Il nous envoie des gens pour nous éprouver. Il nous envoie des pauvres. Il nous envoie des orphelins. Il nous envoie des frères qui sont endettés. Il nous envoie des frères qui font la da'wah, qui ont besoin d'aide. Il nous envoie des étudiants en sciences religieuses, qui ont besoin qu'on les finance, des gens qui ont des compétences pour être des futurs da'iyas, des futurs de ulama. Il nous les envoie. Il nous les envoie. Chaque jour. Et bien, chaque jour, des gens réussissent dans cette épreuve, comme a réussi l'aveugle, et d'autres échouent, comme ont échoué le lépreux et le teigneux. Et ceux qui échouent risquent à tout moment d'encourir le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fructifie les sadaqat. Il fructifie les dépenses dépensées dans les bonnes, les biens dépensés dans les bonnes œuvres. Yaqul jalla wa ala: yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Sourate al-Baqara. Allah anéantit l'usure et fructifie l'aumône. Beaucoup de frères ne sont pas conscients de cette réalité. C'est que l'aumône grandit et se développe auprès d'Allah. Il grandit avec le temps jusqu'au jour de la résurrection. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله qui n'accepte que ce qui est excellent prend de sa main droite toute aumône provenant d'un bien à qui honnêtement eut-elle la valeur d'une date, puis il la fait grandir pour celui qui l'a donné, de la même façon que l'un d'entre vous ferait grandir son poulain, et ce au point qu'elle deviendra aussi grande qu'une montagne. Une date peut devenir comme une montagne. Allah la fructifie avec le temps. L'imam Ibn Daqiq al-Eid, il dit comme ça pour montrer la grâce d'Allah. Il dit: quand tu donnes par exemple un dirham, sadaqa, tu le donnes à un pauvre. Bon, sadaqa, la récompense est au minimum 10, et ça peut aller jusqu'à 70 et au-delà. Bon, 10 au minimum. Ce pauvre-là prend cette sadaqa et la donne à un autre. S'il la donne à un autre, le pauvre à qui tu as donné, il va avoir la récompense de 10 dirhams. C'est comme s'il a donné 10 dirhams. Et toi, Allah te comptera 100 dirhams. Et plus le plus et le, si le deuxième la donne à un troisième, ça, tu auras 1000 dirhams comme récompense. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Yurbi sadaqat. Allah entretient. Il a préservé, il a fait grandir. la sadaqa. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de cette réalité. Imagine que tu donnes, que tu aides un talib, un étudiant en sciences religieuses. Tu l'aides, tu lui donnes je ne sais pas combien d'argent, et puis lui, il devient par la suite un da'ia. Tout ce qu'il fait, les récompenses, tu en es récompensé. Revenons au verset qui parle de Qarun. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Qarun était un membre du peuple de Moussa, puis fit preuve d'un orgueil insolent à leur égard. Il s'est enorgueilli, il a dépassé les bornes de l'hostilité et de l'iniquité à l'égard de son peuple. Selon certaines sources traditionnelles, et beaucoup de savants s'accordent à le dire d'ailleurs, comme Tabari, Qarun était le fils de l'oncle de Moussa alayhi salam. Était le fils de l'oncle, de son oncle. Fabagha alayhim, il a dépassé les limites de l'hostilité et de la justice contre eux. Selon certaines sources aussi, Moussa n'a pas échappé à l'injustice de Qarun. Et Qarun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité une prostituée, lui a donné de l'argent pour qu'elle dise « Moussa a commis l'adultère avec moi et m'a rendu enceinte ». Et cette accusation fut pénible à Moussa, il en fut très touché. Il invita la prostituée et lui demanda de jurer qu'elle a bien commis l'adultère avec lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui inspira cette femme de dire « Je témoigne que tu es innocent et que Qarun m'a corrompu pour que je dise cela ». Et cette femme a dénoncé Qarun. Ça veut dire qu'il a été hostile aussi à Qarun. يقول الله سبحانه وتعالى على سويت دي فيرسي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Nous lui accordons parmi nos trésors tant de trésors que les clés en étaient trop lourds à porter par une bande d'hommes robustes. وآتيناه وآتيناه من الكنوز. Allah dit وآتيناه من الكنوز. Nous lui accordâmes signifie que c'est Allah qui lui a accordé ses richesses. من الكنوز, nous lui accordâmes parmi les trésors. من الكنوز, parmi les trésors. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aussi nombreux soient les trésors de Qarun, ils ne sont qu'une part infime des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire nous lui accordons une part de ces trésors-là, mais ces trésors-là, ils étaient trop lourds, les clés de ces trésors étaient trop lourds à porter par une bande d'hommes robustes. Ces trésors sont tellement nombreux que les clés seulement de ces trésors sont très, trop lourds à porter. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أي لَتُنِيءُ الْعُصْبَةِ. لَتَنُوءُ, le terme نَوْءُ qui est une racine du verbe لَتَنُوءُ, نَوْءُ c'est le mail, c'est le fait de pencher, de basculer tantôt à droite, tantôt à gauche. C'est-à-dire qu'ils sont tellement lourds que les hommes robustes, la bande d'hommes robustes qui les portent, ils basculent tantôt à droite, tantôt à gauche. Tellement ces caisses-là, ces clés-là sont lourdes. Et remarquez avec moi cette nuance phonétique. La lettre « wa » est prolongée, ça veut dire qu'elles sont lourdes. Là, je ne peux pas traduire ce terme-là, mais j'essaie de vous transmettre la vibration de cette parole-là. « Latanou » le mot en arabe. « Latanou » aux prolongations, comme Allah subhanahu wa ta'ala voulait dire que vraiment, ces clés-là sont lourdes à porter. Ça, c'est juste les clés des trésors qui sont enfouis sur la terre. Alors, que dire des trésors et que dire des autres biens de Qarun? Vraiment riche. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. La suite des versets. Son peuple lui dit, ne te réjouis pas, Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent. Ne te réjouis pas, Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent. Là, je traduis littéralement. Hein. Son peuple, il قال له قومه, son peuple, Est-ce qu'il s'agit de son peuple de manière générale, ou de son entourage, ou des gens pieux parmi les fils d'Israël? De qui s'agit-il? De quel peuple s'agit-il? Bon, là, c'est le contexte qui nous montre de quels gens s'agit-il. C'est le style, as-siyaq. Quand on médite les propos de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là? Ne te réjouis pas. Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent. Et ils lui ont dit aussi, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Il dit, cherche à obtenir l'ultime demeure au moyen de ce qu'Allah t'a accordé, sans pour autant oublier ta part dans son monde. Agis de manière parfaite comme Allah le fait envers toi. Des conseils qui émanent d'une, qui dégagent, si vous voulez, une piété, une sagesse. Donc son peuple, qawmahu, ce n'est pas n'importe qui, mais ce sont bien les pieux et les savants d'entre les fils d'Israël. Donc, qawmahu, ici, il parle de qawm, ici le peuple, pas n'importe quel peuple, mais les savants d'entre eux et l'élite, si vous voulez, les savants et les gens pieux. Est-ce que dans le Coran, le terme qawm est employé pour désigner les gens pieux? C'est-à-dire une catégorie particulière du peuple, oui. Écoutez cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Moussa qawmahu 70 rajulan li miqatina. Moussa choisit en tant que son peuple 70 hommes pour l'accompagner à notre rendez-vous. Qawmahu, ce n'est pas min qawmihi, parce qu'on trouve dans certaines traductions parmi son peuple. Mais là, Wakhtara Moussa Qawmahu, il a choisi en tant que son peuple 70 hommes. Les 70 hommes sont l'élite, les gens pieux et les gens savants pour l'accompagner chez Allah subhanahu wa ta'ala, au rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fixé. D'accord? Ce sont les gens pieux. Qu'est-ce que ces gens pieux et savants ont dit à Qarun? La tafrah. Inna Allah la yuhibbu al-farihin. Ne te réjouis pas, Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ne te réjouis pas, la tafrah. Est-ce qu'ils veulent lui interdire de se réjouir de manière absolue, n'importe quelle joie? Non, là il faut voir le contexte. Le contexte, le style donne des restrictions au sens. Le contexte limite la portée de la phrase. C'est une règle exégétique. Hein? Beaucoup tombent dans la confusion à cause de leur ignorance de cette règle. Quand tu dis à quelqu'un qui t'a fait du bien, tu es puissant et noble, par exemple, je donne là maintenant un exemple, tu dis à quelqu'un qui t'a fait du bien, tu lui dis tu es puissant et tu es noble. Là, tu le loues, tu lui fais des éloges. Mais quand tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée aux kuffars, aux mécréants, dans sourate Dukhan, où il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Zouk, innaka anta al-azizul karim. Zouk, innaka anta al-azizul karim. Quand il dit aux mécréants, goûte, c'est toi le puissant et le noble. Est-ce qu'Allah le loue? Non, mais il l'humilie. Pour comprendre ça, il faut revenir au siyaq, au contexte, au verset qui précède. Là, il lui dit, goûte, goûte de l'enfer, tu es puissant, c'est toi le puissant, le noble. Ça veut dire, tu es le vil et tu es le plus bas. Donc, pour comprendre cela, il faut revenir toujours au verset précédent, Siyaq. Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avant de dire, goûte, c'est toi le puissant, le noble, il a dit dans le verset qui précède, saisissez-le. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. Il dit saisissez-le, il a dit à ses anges, saisissez-le le mécréant, traitez-le, traînez-le au cœur de la géhenne, فاعتلوه إلى سواء الجحيم, et encore versez sur sa tête une eau bouillante en guise de supplice, goûte, c'est toi le puissant, le noble. Donc c'est le contexte qui nous fait comprendre le sens de ces versets. Contexte, l'enfer ici, châtiment. Là, le contexte, c'est quoi? Il s'adresse à Caron, il s'adresse à un tyran, à un riche qui exploite les gens, qui est plein d'arrogance, qui les rabaisse. Et quand ils lui disent ne te réjouis pas, la tafrah, ils veulent dire ne sois pas arrogant, ne sois pas plein de gloriole. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est une joie blâmable, comme a dit Allah dans un autre verset. Il a dit Zalika bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haq, dans Sourate Ghafir. Il a dit cela parce que vous vous réjouissiez sur terre à mauvais escient. Donc, là, c'est une joie qui est blâmable, n'est-ce pas? Il a dit, le châtiment que vous subissez maintenant, c'est à cause de votre arrogance et de votre insolence. C'est ainsi qu'il faut comprendre le terme joie. Maintenant, écoutez cet autre verset. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Il a dit, et si nous lui faisons goûter à une faveur après avoir été touché par un malheur, sûr qu'il dit fini pour moi les mauvais jours, tant il est joyeux et fier. Innahu la farihun fakhur. Tant il est joyeux et fier, ici c'est la joie blâmable, joie empreinte d'orgueil. La preuve, c'est la suite. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina sabaru wa amilus salihat. Ça c'est dans sourate Hud. Il a dit exception faite de ceux qui s'arment de patience et effectuent les œuvres pies. Ça prouve que la joie de cette personne-là est une joie blâmable, puisqu'il a accepté ceux qui patientent et qui œuvrent pieusement. D'accord. Maintenant, écoutez cet autre verset sur les martyrs. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. Ne crois pas que ceux qui ont été tués dans la voie d'Allah soient morts. Ils sont bel et bien vivants auprès de leur Seigneur et comblés de faveur, réjouis de ce qu'Allah leur accorde comme faveur. Farihina bima atahum Allahu min fadlih. Donc ça c'est une joie bien sûr louable. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah, comme a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Ar-Rum. Les croyants se réjouiront ce jour-là du secours d'Allah. C'est une joie louable, joie légitime. Il y a donc joie et joie. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite ces gens pieux à Qarun? وَبِتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Cherche à accéder à l'ultime demeure au moyen de ce qu'Allah t'a accordé. Ou cherche, c'est des conseils là, c'est des conseils en or qu'il lui donne. Cherche en vue d'assurer l'ultime demeure au moyen de ce qu'Allah t'a accordé. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. فِي مَا آتَاكَ. La particule « ma » introduit la généralité. Il introduit, c'est-à-dire qu'il doit veiller à assurer la demeure dernière au moyen de ce que Allah lui a accordé. En général, ce peut être la science, ce peut être l'aide physique, ce peut être l'argent, ce peut être la bonne parole, etc. Et normalement, l'homme doit assurer son salut le jour dernier en employant ce qu'Allah lui a accordé. Si Allah lui a accordé la science, il doit l'enseigner, la mettre en pratique. C'est général pour tout bienfait accordé par Allah. La santé, l'argent, il doit l'employer dans les bonnes œuvres. L'argent, le temps, il doit consacrer aux œuvres pies. Donc la portée de cette phrase est générale. Mais Qarun n'a ni foi ni religion. Ce qui fait que qu'est-ce qui fait la valeur de Qarun, c'est quoi? C'est son argent. Donc la portée de ce verset est générale, mais son sens est particulier. La particule ma qui introduit certes la généralité, mais son sens désigne quelque chose de particulier, à savoir l'argent. D'accord? À savoir, c'est comme si les gens pieux disaient à Qarun, cherche en vue d'assurer l'ultime demeure au moyen des richesses qu'Allah t'a accordées. C'est ce qu'on appelle, ce que les usuliyoun appellent le général dont on veut le particulier. Al-ammu al-muradu bihi al-khas. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un exemple, si vous voulez, exemple du général qui a le sens du particulier, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à Ibrahim, wa azzin fi nasi bil hajji ya'tuka rijala. Il a dit à Ibrahim, et appelle les gens à accomplir le pèlerinage dans le Hajj. Cela signifie quoi? Est-ce qu'il signifie les gens en général ou il signifie les croyants particuliers? Il signifie les croyants. C'est donc du général dont on veut le particulier. Ça veut dire appelle les croyants et non pas les gens en général. Et cherche en vue d'assurer la demeure ultime. Il lui recommande l'ikhlas, la sincérité. Tout ce que l'homme fait doit le faire en vue d'assurer la demeure dernière. Et l'on sera récompensé, bien sûr. D'accord ? وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ils lui ont dit وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Cherche en vue d'assurer l'ultime demeure au moyen de ce qu'Allah t'a accordé. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Trois explications ont été données à ce verset. Elles sont toutes bonnes, mais une d'entre elles prévaut sur les autres. La première explication, ils lui disent « Œuvre en vue de plaire à Allah, car ce bas monde est un champ que tu récoltes pour en cueillir les fruits dans l'au-delà. » Ad-dunya mazra'atul akhira. Œuvre en vue de plaire à Allah, car ce bas monde est un champ que tu récoltes pour en cueillir les fruits dans l'au-delà. C'est-à-dire, ta part dans l'au-delà, c'est ce que tu as fait de bon dans ta vie, dans le monde d'ici-bas. N'oublie pas ta part dans le monde d'ici-bas, c'est-à-dire, en fonction de ce que tu as fait comme œuvre en vue de plaire à Allah, sera ta part de récompense dans l'au-delà. N'oublie pas ta part dans ce monde, profites-en pour œuvrer et ne néglige pas ta part. Profites-en, profite de ton argent pour gagner l'au-delà. D'accord ? Ça, c'est une première explication. Donc, d'après cette explication, l'exhortation est continue, c'est-à-dire on cherche en vue d'assurer la demeure dernière et accomplir les œuvres salutaires. N'oublie pas ta part dans ce monde, ça veut dire profites-en pour gagner l'au-delà. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, n'oublie pas ta part du monde d'ici-bas, c'est-à-dire le linceul. Le kafan, le linceul, c'est ta part, c'est la part qui te revient. Tu vas tout laisser, tu vas laisser l'argent, les palais, les domestiques, la part que tu emmèneras avec toi dans ce monde, c'est le linceul dans lequel tu seras couvert. C'est le tissu en guise de linceul dans lequel tu seras couvert. Tu vas tout laisser. Ça, c'est la deuxième explication. La troisième explication, la plus pertinente. N'oublie pas ta part du monde d'ici-bas. Profite et jouis des biens licites de ce monde. Profite du halal. N'oublie pas ta part. Là, cela prouve la sagesse de ces gens qui ont exhorté Qaron. Ils lui ont dit de profiter de ses biens licites parce qu'il n'est pas sage et il n'est pas intelligent de dire à un homme aisé qui vit dans le luxe et il mène une vie très confortable de jeter tout son argent ou de le dépenser en entier dans les œuvres. Il ne va pas supporter une telle chose. Il s'accroche à l'argent. Vous savez, l'homme riche est très attaché à ses biens. Hein? On déduit de ce verset un manhaj, le manhaj de da'wah, méthode de faire la da'wah. C'est les hommes riches, les hommes influents, il faut leur porter conseil en douceur et avec sagesse. Quelqu'un qui est ardemment attaché à un objet de désir, son cœur est imprégné d'amour pour cet objet-là. Tu ne vas pas lui dire « jette-le d'un seul coup », mais il faut le faire graduellement. Dans Sahih al-Bukhari, Aïcha, radiyallahu anha, a dit « ce qui fut révélé en premier, une sourate qui fait partie du Mufassal, إن أول ما نزل منه يعني من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. Il y a ce qui fut révélé en premier, une sourate qui fait partie du Mufassal. Mufassal, c'est la fin du Coran. Il est appelé Mufassal parce que les sourates, ils sont courtes. Et ils comportent beaucoup d'interruptions. Par la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, direct, on passe d'une sourate à une autre. Le Mufassal, il commence, d'après l'avis le plus pertinent, il commence par la sourate Qaf et se termine bien sûr par sourate An-Nas. Il est Aïcha radiallahu anha, il a dit ce qui fut révélé en premier, une sourate qui fait partie du Mufassal. Inna awwala ma nazala min sura min al-Mufassal fiha dhikru al-jannati wan-nar, qui traite du paradis et de l'enfer. Hatta idha taba an-nas, ce n'est que lorsque les gens se sont attachés à l'islam. Hatta idha taba an-nas nazala al-halal wal-haram. Il est ce n'est que lorsque les gens se sont attachés à l'islam que le verset traitant du licite et de l'illicite furent révélés. Et il a dit وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُوا الْخَمْرَ أَبَدًا. Aïcha l'a dit. Il a dit si les premières révélations avaient interdit le vin, les gens auraient dit nous ne cesserons jamais de boire le vin. وَلَوْ نَزَلَ La taznu la qalu la nada'u zina abadan. Et si les premières révélations interdisaient l'adultère, ils auraient dit nous ne cesserons jamais de commettre, nous continuerons toujours à commettre l'adultère. Il faut donc, la da'wa doit être graduelle. Il faut s'y prendre petit à petit. Ces gens pieux ont dit à Qarun nous ne te demandons pas de te débarrasser de tout ton argent. Mange, bois, jouis du licite. Ils lui ont dit ça par égard à la faiblesse de sa foi et son manque de tawakkul, de confiance en Allah. Puis ils lui ont dit Wa ahsin kama ahsan Allah ilayk. Agis de manière parfaite comme Allah le fait envers toi. Fais du bien aux gens, aide les pauvres et les orphelins. Tu étais pauvre et Allah t'a enrichi. Wa ahsin. Allah agit parfaitement à ton égard. Suite des versets. Ils lui ont dit Ne favorise pas la corruption sur la terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Contemplez avec moi ces versets. Méditez l'agencement des mots. Fais du bien aux gens. Ils lui ont dit Wa ahsan kama ahsan Allah ilayk. Et juste après, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Wa la tabghi al-fasad fi al-ard. Juste après, il lui a dit Ne favorise pas la corruption sur la terre. Quel est donc le lien entre ce passage et le passage qui le précède? Quel est le lien entre leur parole Wa ahsan kama ahsan Allah ilayk. Agis de manière parfaite comme Allah le fait envers toi. Et la suite Wa la tabghi al-fasad fi al-ard. Ne favorise pas la corruption sur la terre. Quel est le lien entre ces deux recommandations, entre ces deux phrases? C'est comme s'il lui disait, en t'abstenant de dépenser tes biens dans les œuvres pies, en refusant de donner aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, tu favorises la corruption sur terre. Ah. Certains frères, quand ils entendent parler du fasad, de corruption sur terre, ils pensent directement aux mécréants, aux idolâtres, aux dictateurs, au capitalisme sauvage, à ceux qui emploient les armes de destruction massive, à ceux qui polluent les terres et les océans. Tout cela est certes vrai, mais ils oublient qu'en s'abstenant d'aider leurs voisins pauvres, qu'en s'abstenant d'aider les orphelins, ou un étudiant en sciences religieuses qui a toutes les compétences pour devenir un grand da'iya, prédicateur, un savant, il laisse jusqu'à ce qu'il tombe dans la misère et cherche du travail pour subvenir à ses propres besoins. En agissant ainsi, en s'abstenant de dépenser dans les œuvres pies, il favorise la corruption. Eux-mêmes favorisent le fasad. Rappelez avec moi, chers frères, rappelez-vous, le hadith sur les trois hommes, appartenant à l'une des communautés qui nous ont précédé. Ce hadith se trouve dans le Sahih al-Bukhari et même celui de Muslim. Ces trois hommes s'étaient réfugiés dans une grotte. Vous connaissez l'histoire. Et ils s'étaient réfugiés dans une grotte pour y passer la nuit. Mais un rocher, il a dégringolé de la montagne et il a bouché l'entrée de la grotte. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, la seule chose qui puisse nous délivrer de ce rocher est d'adresser nos da'awat, nos suppliques à Allah en évoquant nos œuvres. Puis, qu'est-ce qu'a dit le deuxième ? Le deuxième, il a dit, Allahumma in kanat, innahu kanat li ibnatu ammin, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Le deuxième a dit, mon Dieu, j'avais une cousine, j'éprouvais pour elle la plus vive passion que l'homme puisse ressentir pour une femme. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Il a dit, je la sollicitais pour sa personne, mais elle se refusait à moi. Hatta alammat biha sinatun min as-sinin. Une année de disette la contraignit. حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. Il a dit, je la sollicitais, j'essaie de la séduire, et elle se refusait à moi. Et une année de disette la contraignit à venir me trouver. Je lui promis 120 dinars à condition qu'elle me laisse faire ce que je voulais d'elle. Ce à quoi elle consentit. ففعلت فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. Au moment où je me plaçais entre ses jambes, elle me dit, crains Allah et ne romps pas l'hymen avant de t'acquitter de son vrai droit, savoir le mariage, de son vrai droit. ولا تفض الخاتم الا بحقه فانصرفت عنها وهي احب الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها. Je m'éloignais d'elle alors qu'elle m'était la personne la plus chère, et en lui abandonnant l'or que je lui avais apporté. Donc cet homme a cherché à posséder cette femme, qui est sa cousine. Hein? Et dans ce hadith, il est cité qu'une année de disette la contraignit à venir voir son cousin. Bon, qu'est-ce qu'on comprend de son passage ? Qu'est-ce qu'on comprend de ce passage du hadith ? C'est qu'elle est tombée dans la misère, et la pauvre, elle a couru à droite et à gauche, elle a demandé de l'aide aux gens, et personne ne l'a aidé. Et quand elle n'a trouvé personne qui compatit à sa souffrance, elle recourut à son cousin contre son gré. Alors elle sait déjà ce qu'il va lui demander. Elle sait déjà ce qu'il va lui demander, et quand il lui promet de lui donner 120 dinars, bon, elle a cédé. S'il avait trouvé un croyant généreux ou un bienfaiteur, ben il ne se serait pas revenu et ne serait pas revenu à son cousin. D'accord ? Beaucoup de femmes sont tombées dans la prostitution à cause de ça. À cause de l'avarice des gens riches, à cause de l'avarice des gens riches et des musulmans qui ont des moyens qui les ont pas aidés. Bien sûr, la femme ne doit en aucun cas vendre son corps sous n'importe quel prétexte, quitte à mourir, et elle n'est pas pardonnée. Mais la réalité est ainsi. C'est le fait que les gens riches et les gens en général s'abstiennent de dépenser dans les œuvres de bien, bah, cela favorise la prostitution, favorise le vol, favorise la corruption en général. Beaucoup de frères qui ont des compétences pour devenir des grands du'as, des grands savants, se sont arrêtés au milieu du chemin à cause du manque de moyens parce qu'ils n'ont trouvé personne pour les aider. À cause de l'avarice, à cause de l'avarice des gens, de certains musulmans, ça a causé des dégâts. La suite du verset. Mada qala Qarun. Qu'est-ce que cet ennemi d'Allah a dit? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Il a répliqué. Il a dit à ces gens qui sont venus lui porter conseil, il leur a dit, ce qui me fut accordé, je ne le dois qu'à une science qui réside en moi. Bon, il y a deux explications pertinentes de cette parole. La première, il leur a dit, ces richesses, je les ai obtenues par mes compétences et mes connaissances. Je sais où placer le sou. Je suis intelligent. C'est grâce à ma science et à mon intelligence que j'ai eu tout cela. Je connais les techniques de vente. Bon, si emploie le langage actuel, les techniques de vente, commander, négocier une affaire, hein, je sais quand la bourse va monter, quand elle va descendre, etc. Si on emploie le langage actuel, si vous voulez. Donc, il a dit, grâce à ma science, à mes compétences que j'ai obtenues, que j'ai eu tout cela. La deuxième explication qui est aussi pertinente, et certaines exégètes l'ont citée avant la première, notamment Ibn Jarir Tabari et l'imam Ibn Kathir, il a dit, si Allah m'a accordé ce trésor, c'est parce qu'il sait que je le mérite, que je les mérite, je mérite ce trésor-là. Je possède une science que vous ne possédez pas. Et c'est ce qui a fait qu'Allah soit satisfait de moi. Il m'a alors privilégié sur vous par cet argent. Allah sait que je suis supérieur à vous. Allah ne m'a donné tout cela que parce qu'il m'aime. Allah ne m'a donné tout cela que parce qu'il m'aime. Voilà, deuxième explication. Hein? Beaucoup de gens pensent comme ça. Déjà, beaucoup de gens pensent. Qu'est-ce qu'ont dit les mécréants de Quraysh? وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Dans Sourate Saba. Nous sommes les mieux pourvus de biens et d'enfants. Nous sommes les mieux pourvus de biens et d'enfants. Nous ne serons donc pas châtiés. Ils disent, Allah nous donne tous ces biens. Il nous donne tous ces enfants-là. Et il va nous humilier. Non, non, non, non. Si Allah voulait nous châtier, il ne nous donnerait pas tout cela. Le fait qu'il nous donne des enfants et le fait qu'il nous comble de bienfaits prouve qu'il nous aime. Hein? Voilà ce qu'ont dit les mécréants de Quraysh. Les gens du commun pensent une telle chose. Ils pensent que si Allah donne à quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime et s'il prive quelqu'un, c'est pour l'humilier. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Nous sommes les mieux pourvus de biens et d'enfants, nous ne serons donc pas châtiés. Hein? Mais regardez comment Allah leur a répondu. Il a dit: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah dit au professeur sallam de leur dire: dis-leur, mon Seigneur dispense largement ou avec mesure sa subsistance à qui il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ils ne sont pas conscients de cette réalité. L'être le plus aimé d'Allah est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il n'était pas riche. De même, Isa alayhi salam n'était pas riche. Les compagnons n'étaient pas tous riches. Dans certaines expéditions, ils mangeaient même les feuilles des arbres. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Comment Allah leur a répondu. Et il leur a la suite de la réponse. Il a dit: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وما أموالكم وما ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Il a dit: ce ne sont ni vos biens, ni vos enfants qui vous rapprochent de nous, à l'exception de ceux qui auront cru et œuvrer salutairement. Ceux-là auront droit à une double rétribution pour prix de leurs œuvres et connaîtront la paix dans les hauts lieux, hein, dans les hauts lieux du paradis. Les gens du commun pensent une telle chose. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a blâmé ceux qui pensent de cette manière. Il a blâmé ceux qui pensent de cette manière. Inch'Allah, la prochaine fois, je continuerai l'explication des versets qui parlent de Qarun. Subhanak Allah bihamdik. Shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.